This one's dedicated to all the angry gays in the world. Merci à vous tous les ingrédients. Check. J'aime beaucoup ce que vous faites.